Exode chapitre 25. Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, Parle aux enfants d'Israël, et qu'on prenne une offrande pour moi. Vous prendrez mon offrande de tout homme, dont le cœur me l'offrira volontairement. Et c'est ici l'offrande que vous prendrez de l'or, de l'argent, de l'airain, de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi, du fin lin, des poils de chèvre, des peaux de mouton teintes en rouge, des peaux de tesson, du bois de sittim, de l'huile pour le luminaire, des odeurs aromatiques pour l'huile de l'onction, des drogues pour le parfum, des pierres d'onyx, et des pierres de remplage pour les faux et pour le pectoral. Et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Ils le feront conformément à tout ce que je te vais montrer, selon le patron du pavillon, et selon le patron de tous ses ustensiles, vous le ferez donc ainsi. Et ils feront une arche de bois de sittim, et sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Et tu la couvriras de pur or, tu l'en couvriras par dehors et par dedans, et tu feras sur elle un couronnement d'or tout autour, et tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, que tu mettras à ses 4 coins, 2 anneaux à l'un de ses côtés, et 2 autres à l'autre côté. Tu feras aussi les barres de bois de sittim, et tu les couvriras d'or, puis tu feras entrer les barres dans les anneaux aux côtés de l'arche, pour porter l'arche avec elle. Les barres seront dans les anneaux de l'arche, et on ne les en tirera point. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras aussi un propitiatoire de pur or, dont la longueur sera de 2 coudées et demie, et la largeur d'une coudée et demie. Et tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'ouvrage étendu au marteau, tiré des 2 bouts du propitiatoire. Fais donc un chérubin, tiré du bout de deçà, et l'autre chérubin, du bout de delà, vous ferez les chérubins tirés du propitiatoire sur ces 2 bouts. Et les chérubins étendront les ailes en haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et leurs faces seront vis-à-vis l'une de l'autre, et le regard des chérubins sera vers le propitiatoire. Et tu poseras le propitiatoire au-dessus de l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et je me trouverai là avec toi, et je te dirai de dessus le propitiatoire, d'entre les 2 chérubins qui seront sur l'arche du témoignage, toutes les choses que je te commanderai pour les enfants d'Israël. Tu feras aussi une table de bois de sittim, sa longueur sera de 2 coudées, et sa largeur d'une coudée, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras de pur or, et tu lui feras un couronnement d'or alentour. Tu lui feras aussi alentour une clôture d'une paume, et tout autour de sa clôture, tu feras un couronnement d'or. Tu lui feras aussi 4 anneaux d'or, que tu mettras aux 4 coins, qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront à l'endroit de la clôture, afin d'y mettre les barres pour porter la table. Tu feras les barres. Et de bois de sittim, et tu les couvriras d'or, et on portera la table avec elle. Tu feras aussi ses plats, ses tasses, ses gobelets, et ses bassins, avec lesquels on fera les aspersions, tu les feras de pur or, et tu mettras sur cette table le pain de proposition, continuellement devant moi. Tu feras aussi un chandelier de pur or, le chandelier sera étendu au marteau, sa tige et ses branches, ses plats, ses pommeaux et ses fleurs, seront tirés de lui. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches d'un côté du chandelier, et 3 autres de l'autre côté du chandelier. Il y aura en une des branches, 3 petits plats en forme d'amande, un pommeau et une fleur, en l'autre branche, 3 petits plats en forme d'amande, un pommeau et une fleur, il en sera de même des 6 branches procédant du chandelier. Il y aura aussi au chandelier 4 petits plats en forme d'amande, ses pommeaux et ses fleurs. 1 pommeau sous 2 branches tirées du chandelier, 1 pommeau sous 2 autres branches tirées de lui, et 1 pommeau sous 2 autres branches tirées de lui. Il en sera de même des 6 branches procédant du chandelier. Leurs pommeaux et leurs branches seront tirées de lui, et tout le chandelier sera un seul ouvrage étendu au marteau, et de pur or. Tu feras aussi ces 7 lampes, et on les allumera, afin qu'elles éclairent vis-à-vis du chandelier, et ces mouchettes, et ces petits plats destinés à recevoir ce qui tombe des lampes, seront de pur or. On le fera, avec tous ses ustensiles, d'un talent de pur or. Regarde donc, et fais selon le patron qui t'est montré en la montagne.